Comme nous l'avons déjà vu, rester se dit restare. Donc, je reste se dit resto. Resto, oui. Et je reste à la maison ce soir? Resto a casa stasera. Stasera. Oui. Resto a casa stasera. Que donne est-ce que vous restez chez vous ce soir ou est-ce que vous restez à la maison ce soir? Resta. Oui. A casa stasera. C'est ça. Resta a casa stasera. Et combien de temps restez-vous? Quanto tempo resta? Bien. Quanto tempo resta? Combien de temps restez-vous? Partir, en italien, se dit presque de la même façon qu'en français. Partire. Alors, dites-moi, je pars demain. Parto domani. Parto domani. Et comment diriez-vous à quelle heure partez-vous? À quelle ora? À che ora? Al. A che ora? A che ora parta? Mais ce n'est pas un verbe en are, donc ce n'est pas. Parte. Voilà, c'est ça. Si ce n'est pas un verbe en are, la lettre finale est un e, parte. A che ora parte? Dites-moi maintenant, pourquoi ne voulez-vous pas partir avec moi? Perché non vuole partire con me? Oui, perché non vuole partire con me? Et maintenant, pourquoi ne pouvez-vous pas partir avec moi? Perché non posso? Posso, c'est je peux. Comment dit-on vous pouvez? Perché non può? Voilà. Perché non può partir avec moi? Partire con me? C'est ça. Perché non può partire con me? Maintenant, venir se dit venire. Encore un mot très proche dans les deux langues. Donc, traduisez-moi, pourquoi ne pouvez-vous pas venir avec moi maintenant? Perché non può venire con me ora? Perché non può venire con me ora? Je vous rappelle que après les verbes venire et andare, il faut ajouter a. Par exemple, si vous voulez dire pourquoi ne pouvez-vous pas venir le voir avec moi? Eh bien, en italien, ce sera pourquoi ne pouvez-vous pas venir à le voir avec moi? Venire a. C'est pareil avec aller. Je vais, suivi d'un verbe, c'est vado a. Je vais manger, vado a mangiare. Il va, elle va, vous allez manger, c'est va a mangiare. Bon, alors dites-moi, pourquoi ne pouvez-vous pas venir le voir avec moi? Perché non può venire a vederlo? Oui, avec moi. Con me? Oui, très bien. Perché non può venire a vederlo con me? Pourquoi donne perché? Ne pouvez-vous pas donne non può? Venir donne venire a, parce que venire est suivi d'un verbe, et le voir, c'est vederlo.